Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau débat comics. Alors aujourd'hui, on est assez nombreux autour de la table. Enfin, autour de la table, oui et non, parce que bon, on est quand même confinés. J'ai avec moi Nebu. Et bonsoir, bonsoir tout le monde. J'ai avec moi Sweep aka Nico qui est revenu sur YouTube. Oui, yo tout le monde. Et pour terminer, j'ai Baptiste aka Dorothy. Salut à tous. T'as vu, je me trompe de moins en moins quand même. En même temps, je suis là toutes les semaines. Si tu te trompais quand même, ça serait bizarre à force. Non, mais j'ai eu un moment d'hésitation quand même. J'ai vu. On a tous entendu, je pense. Ouais, je pense aussi. Donc du coup, aujourd'hui, bon, c'est pas un débat de confinement. Je n'ai pas réussi à avoir des éditeurs pour faire une émission un peu spéciale avec eux. Du coup, on va partir sur un thème unique. Ça promet un long débat très intéressant et très enrichissant. On va partir sur un débat qui est est-ce que vous aimez bien tout ce qui est reboot ou revival, que ça soit dans les comics, manga, jeux vidéo, séries télé ou film. On commence par quoi, les gars? Peut-être une définition entre reboot et revival? Je pense que c'est le mieux. On part sur les bonnes bases, quoi, que tout le monde sache de quoi on parle. Alors, le reboot, c'est quand on récupère un personnage, un univers, et qu'on le recommence tout à zéro. En exemple, chez les comics, on peut citer le New 52, qui a été un gros reboot des franchises DC Comics. À côté, on a le revival, où en fait, on reprend une série qu'on a mis en pause pendant quelques années pour la remettre aujourd'hui au jour du jour. Non, au goût du jour, plutôt. Au goût du jour, merci. Et avec, si possible, le même casting. Et là, on peut parler, par exemple, de Dragon Ball Super pour point et manga. Est-ce que, comme ça, déjà, pour un premier tour de table, Nebu, les reboots, revival, t'aimes bien, t'aimes pas? On va dire que je sais pas. En fait, ça va dépendre, en vrai. J'ai recherché quelques exemples pour préparer l'émission et finalement en fonction de comment tu te places, soit il y en a plein, soit il y en a pas beaucoup, quoi. Donc on verra, quoi, au fur et à mesure de la discussion. D'accord. Nico. Ça dépend des cas, quoi. Il y en a, tu fais un reboot, si, parce que avant c'était la merde et tout ça, ils décident de tout recommencer. Ça peut être une bonne chose, mais si ce que tu rebootes, c'est de la merde, au final, ça sert à rien. Et pareil pour le revival, DB Super, j'ai regardé le début, j'ai pas kiffé, donc voilà, ça dépend des cas. Et pour toi, Baptiste? Moi, je suis d'accord avec eux. Enfin, ça dépend des cas. Il y a des cas où j'aime pas trop les reboots et je préfère les revivals, ou des fois, les revivals, c'est claqué, j'aurais préféré avoir un reboot à la place, quoi. Donc, ça dépend vraiment des cas, je pense. Aussi bien dans la série, film, ou même dans les jeux vidéo. D'accord. Eh bien, écoutez, on va commencer peut-être par parler comics, pour citer quelques cas de comics, puis après, on évoluera entre les mangas et le reste. Donc, point de vue comics, j'ai cherché vraiment beaucoup de reboot, de revival. Il n'y en a pas des masses. Comme je l'ai cité, le reboot, les New 52, où on a vraiment rebooté l'univers, et c'était un véritable reboot parce qu'on avait retravaillé légèrement certaines origin stories, mais voilà. Après les New 52, donc c'était avant le Rebirth, c'est là où Urban est arrivé pour nos lecteurs français, et il y avait du très bon comme le Batman au tout début de l'ère Snyder. Et du très mauvais, on peut citer Earth 2, on peut citer Superman, parce que bon, Superman c'était pas ouf, et voilà. Nico, toi t'as d'autres exemples au niveau reboot, revival, au niveau des comics ou pas du tout? Alors déjà, le truc tout con, mais le côté revival, surtout dans les côtés donc mainstream, que ce soit Marvel ou DC, tu le vois et tu le vois pas à la fois, mais t'as beaucoup de séries qui s'arrêtent et je crois 3 ans après on te ressort une nouvelle série sur le héros, des trucs comme ça. Mais le problème dans ce genre de truc, c'est que soit ça sort en one shot avec genre un tome ou un truc, une mini série, des trucs comme ça. Donc c'est des trucs qu'on croise très souvent, mais c'est surtout des petits trucs secondaires, des trucs à la con et tout. Après, côté reboot, alors le truc de Marvel, c'est que à part qu'ils ont créé genre l'univers Ultimates, mais l'autre univers continue à côté, donc ça marche pas tout à fait. Après, ils ont toujours relancé un peu les trucs sans faire des réels reboots. En fait, l'univers avançait toujours. Mais ils faisaient un peu des reboots presque par rapport aux personnages pour tout réexpliquer, des trucs comme ça. Mais l'univers avançait encore. Donc, c'est assez particulier. Et alors, côté indé, on peut parler de Lock and Key qui nous a fait un petit revival ces derniers oui, temps aux États-Unis. C'est vrai. Après, si par exemple, je crois, un reboot qui s'est passé, c'est dans l'univers Valiant, où il y avait l'univers Valiant du début quand ça a été créé. Et là, de ce que nous sortait Bliss, c'était le tout nouvel univers. Je crois que c'était carrément un reboot de l'univers Valiant, je ne suis pas sûr. Il me semble que c'est ça. Je crois également que c'était ça. Pour nos spécialistes qui ne sont pas spécialistes comics, est-ce que vous avez lu les New 52? Il me semble que oui. Pour moi, Baptiste, je sais qu'il est assez fan de. Moi, je suis un peu perdu dans les New. C'est quoi? C'est quand c'est passé de Renaissance à Rebirth, c'est ça, non? New 52, c'est Renaissance. J'avais lu pas mal de Rebirth et après je suis passé sur les premiers tomes de tout ce qui était Renaissance, savoir ce qui avait été fait. Et ouais, non, enfin, ouais, c'est. Moi, j'ai acheté que les tomes 1, donc je ne pourrais pas savoir, mais à part ça, vu que je ne lis pas beaucoup de comics, je ne sais pas s'il y a eu d'autres reboots à ma connaissance, que le peu de comics que j'ai lus, je n'en connais pas, quoi. Et toi, notre ami Nebu, est-ce que tu as une opinion sur les comics ou pas du tout? Bah, niveau comics, moi j'y connais que dalle. Pour moi, dans mon esprit, ce n'était que des enchaînements de reboot, les histoires des comics, puisqu'on a 15 000 Batman, on a 15 000 Superman, on a 15 000 Avengers. Donc, y a différents mondes, il y a différents machins, il y a différents trucs. Donc dans ma tête, c'était qu'une succession de reboots plus ou moins commerciaux. En fonction des auteurs et en fonction des époques, quoi. Donc après, c'est peut-être un préjugé ou je sais pas, ou une incompréhension, mais moi je le percevais comme ça, quoi. Alors, je te trouve horrible parce que il n'y a pas 10 000 Batman, il doit y en avoir 3 ou 4, au moins. Attends, combien il y a de terres? Il y a combien? 63 terres, un truc comme ça. J'avais vu le bouquin là qui faisait le comment ça s'appelle là le multivers. Ouais, voilà, le truc imbuvable, là. Et il y avait une espèce de cosmogonie, là, à la fin, ou au milieu, je sais plus, qui te montrait toutes les terres possibles et tout. Chez Marvel, c'est quand même beaucoup plus simple. Je crois qu'il y en a plus de 3000. Oui, bon, voilà, hein, en plus. Donc, non. Mais alors, par contre, du coup, moi, je parlerais bien d'un reboot comics, mais c'est pas tout à fait un reboot que comics et un reboot en... Attends, tu veux parler de Star Wars? Laisse tomber, on en parle pour les films. D'accord, ok. Oh putain. Bon, ça va, Dougo, je crois. Ok. Ah non, je mets un droit de veto, on parle pas Star Wars, sinon l'émission fait 3 heures. Bah oui, mais attends, c'est quand même le plus gros reboot de l'histoire qui est compréhensible par tout le monde. Il marque un point. Au côté comics, alors, reboot, oui. Côté univers étendu, tout simplement. Oui, univers étendu. Je veux dire, un reboot de 30 ans, c'est même un reset, quoi. Plus qu'un reboot, quoi. Oui. Bon, bref, on en parlera. Mais niveau comics, je n'ai rien de plus à dire, les gars. Bon, écoutez, on va peut-être passer point de vue manga. Là, je compte sur toi, Baptiste. Est-ce que tu peux nous sortir quelques reboots ou revival en manga? Et je vais élargir en animé également. Tu me lances une grande tâche, là. En reboot, au sens propre, je n'en vois pas. Pas à ma connaissance. Dans la logique du manga, c'est même rare, voire impossible, vu que... Mais si je le dis, je pense qu'une certaine communauté des fans de JoJo Bizarre Adventure va me tuer. Donc bon, je ne vais pas en parler. ça peut spoil la partie manga qui est sortie et pas l'animé. Donc voilà, je ne vais pas en parler. Mais ça a pu se faire un reboot. Parce que voilà, j'en dis pas plus. Et sinon, en manga, des revivals un petit peu, ou avoir des suites avec des personnages plus annexes. Tu vois, genre, je pense peut-être à Boruto. Ouais. Ouais. C'est la suite indirecte, mais avec d'autres personnages. Enfin, il y a toujours les personnages principaux, mais ils sont plus mis en avant. Donc, je sais pas trop dans quelle catégorie on peut le placer. J'y ai réfléchi. Boruto, tu peux très bien le classer comme revival, comme Dragon Ball Super, tu peux classer pour moi en revival. Ouais. Fairy Tail, 100 Quest, tu peux classer en, en revival également. Et en fait, t'as pas mal de revival, je trouve, côté. Ça se. Dans les revival, t'as même des trucs, en tout cas, côté manga, juste format bouquin. Mais ça arrive souvent des fois pour des trucs anniversaires ou des choses comme ça, qu'on te ressorte, genre quelques chapitres ou des choses comme ça aussi. Je pense par exemple, moi je pense à Urasawa qui avait fait les Master Keaton. Et je crois que c'est des années plus tard, je crois, pour une date anniversaire, il avait ressorti un numéro spécial qui était donc aussi tout un volume. Mais voilà, ça arrive souvent par contre. Bah, comme Death Note par exemple. Oui, oui. Death Note qui a sorti des histoires courtes là, il y a l'année dernière, là, pour. C'est du revival quoi. Et ouais, non, c'est pareil, ouais, c'est ce que tu nous dis, c'est du pur revival. D'ailleurs, c'est toujours pas sorti en France, ce chapitre. Ouais, je crois pas. Je sais même pas comment ils le sortiraient du coup. Bah ouais, parce que c'était un truc numérique plutôt, donc. Ouais, c'était un format plus numérique, c'était, je crois, peut-être une trentaine ou une cinquantaine de pages, pas plus, je crois. Mais ouais, c'est ça. Ouais. C'est à ça. Part qu'ils refassent une édition du dernier tome pour avoir. C'était un peu naze d'ailleurs, au passage, mais bon, ça. J'ai pas fini Death Note et j'ai pas lu le chapitre. Ah d'accord. Ouais, non, après je sais comment ça finit, mais je l'ai pas lu le chapitre qui était sorti. Bah je l'ai lu moi, et bon bah c'est là typiquement c'est du revival dans le sens où c'est des personnes, tu as plusieurs personnages qu'on a aimé de la série principale qui sont là. Mais on a une histoire nouvelle avec un nouveau personnage principal et au final, ça aurait pu être cool, mais ça se finit vraiment un peu moisi, quoi. Ok. Mais il fallait que ça se finisse en un chapitre, donc voilà. Ouais, c'est peut-être dommage qu'ils aient pas voulu faire plutôt une mini-série qu'un seul chapitre. Moi, je trouve ça dommage, tu vois, de dire on ressort juste un chapitre supplémentaire par là parce que ça casse un peu la chose. En fait, je sais pas, ça dépend, une nouvelle fois, ça dépend de la qualité, quoi, tu vois. Tu peux avoir, alors j'ai pas d'exemple sous la main, mais tu peux avoir des trucs qui sont en one shot ou en un épisode qui sont plutôt cool. C'est pas tout à fait un revival, mais t'as beaucoup d'animés qui sortent des OAV ou des films. T'en as souvent qui sortent après que la série principale soit terminée. Ça fait un petit effet revival, tu vois, d'avoir une nouvelle histoire complète d'une équipe, quoi, tu vois. Ouais. Et par contre, tu parles d'animé, je pense que aussi il y a eu un reboot sur ces 3-4 dernières années. Ils ont rebooté Captain Tsubasa quand même. Oh. Olivier Tom. Oui. Oui. Non, mais il faut le citer. D'accord, okay. L'animé ne dure pas, il passe pas 20 épisodes à courir sur un terrain. Les techniques d'animation ont quand même un peu évolué, heureusement. C'est ça, il n'y a pas si tu vas par là, il y a les Macross aussi, quoi. Hein, Après, est-ce que l'histoire, c'est la même, non? L'histoire est la même, t'es pas sur un reboot. Ouais, t'es plus sur un DBZK ou un truc comme ça. Ouais, mais le DBZK, ils avaient utilisé les mêmes images qu'ils avaient juste remis au goût du jour. Là, c'est vraiment. Tu passes vraiment sur une nouvelle animation propre. Non, mais alors, si tu pars sur Interact Center. Si tu vas par là, ça marche aussi pour Interact Center. Et si tu pars sur ça, Berserk a eu énormément de reboot parce que tu l'as eu sous plusieurs formats, en plusieurs séries qui reprenaient des fois les trucs et tout, c'est pareil. Ouais, c'est pas fou. Ah, bah alors attendez, alors en revival. Est-ce qu'on parle de Bleach qui pourrait arriver en revival ou en suite? Comment on le catégoriserait? Est-ce que déjà c'est confirmé et comment on le catégoriserait? Je suis pas sûr que ce soit confirmé réellement. Alors, Burn the Witch est confirmé, ça va être une mini-série. Oui, mais Burn the Witch, c'est pas Bleach, quoi. Ouais, mais la suite de la série, en fait, qui correspond au manga, quoi. Ah, non, pour moi, c'est juste la suite du manga, parce que c'est pas. Il complète juste la fin du manga, c'est pas une nouvelle histoire. Bon, d'accord. Bah, alors, dans Reboot, alors, compte tenu de ce qu'on vient de dire, je mettrais Full Metal Alchemist en animé. Par contre, sur l'animé, oui. Oui, entre Full Metal et Brotherhood, il y a eu un changement de scénario Le truc, le premier animé de Full Metal Alchemist, il suivait pas le manga. Parce que le manga il suivait jusqu'au tome 8 du manga, en fait. 6. Je viens de les relire, c'est 6 ou 7. D'accord, ouais. Bon, voilà, par avant la l'arrivée de Lynn, dans le premier animé, il n'y a pas Lynn, ça se termine avec jusqu'à Grid, et après ça change. Donc oui, mais bon, c'est quand même un reboot, quoi, puisque c'est reparti de zéro après le Brotherhood. Oui. Pour l'animé. Mais bon, oui, je pense que... Enfin, c'est tellement le bordel aussi dans les animés, les mangas, les machins. C'est comme les comics, en fait. Hein. C'est compliqué de savoir où est le revival, où est le reboot, où est l'OAV. Enfin, voilà, quoi. Coup, en parlant de revival, est-ce qu'on peut, du coup, considérer que Jojo en revival? Parce que chaque partie, c'est avec des protagonistes différents, mais toujours dans le même univers. Bah... Ouais, mais après, tout s'est suivi, non, de base? Parce que le revival, c'est quand ça s'est arrêté ou des choses comme ça. Alors, moi, je connais pas Jojo, mais de ce que je sais, ça parle d'une lignée, quoi, non ouais, oui, ah oui. C'est pour ça que je posais la question, justement, vu que ça se passe en partie, ce que ça considère. Mais il n'y a pas eu de pause, ouais. C'est vrai que. Ouais, voilà. Mais du coup, Shaman King, qui, je crois. Oui, ça, par contre, ouais. En revival, qui a repris il n'y a pas longtemps, je crois. Au Japon. Shaman King, c'est un repris? Je crois. Hein. Je crois que justement, vu que l'auteur a repris, en France, ils ont ressorti une nouvelle édition en double ou triple format, je crois. Ouais, double, je crois. Pour pouvoir adapter les nouveaux scans qui vont sortir, quoi. Et du coup, aussi en revival, on peut considérer Hunter x Hunter, vu que l'auteur fait des pauses. Des grandes pauses. C'est comme Berserk, alors entre chaque chapitre, t'as 6 mois, c'est un revival. Ouais, voilà, ça du coup c'est la définition, c'est ce que c'est par rapport à ce qu'on a dit, quoi, c'est la reprise après un gros temps. Parce que par exemple, ouais, moi la grande question que je me pose aussi est un revival, mais quand tu sais que la suite est censée exister mais qu'elle sort pas de suite, est-ce que ça compte comme un revival ou pas? C'est plein de bonnes interrogations. Alors je pense que on commence un peu à s'en mêler les pinceaux. Je pense qu'on va changer de catégorie. Parce que sur les mangas, c'est quand même assez what the fuck. Ce que je propose, c'est que bon, on a eu nos opinions sur les comics et les mangas qui sont très fouillis. On va peut-être parler sur quelque chose qui va plus facilement nous unifier, des séries télé peut-être. Ouais, enfin unifier, je sais pas, mais au moins on parlera de la même chose. Voilà, c'est ça. On n'a pas le même âge, donc est-ce qu'on va parler des mêmes séries, quoi? Ah bah, s'il faut, toi tu vas parler d'une série, puis moi je vais parler de l'origine de la série. Si tu vois ce que je veux dire. Très bien. Oui, je pense que ça va quand même. Je pense que si tu auras des séries, je sais quand ça a été fait avant. Quoi. Bah, de toute façon, le revival, je pense, moi, celui dont je peux parler parce qu'il m'a un peu, on va dire, attristé, malheureusement, c'est X-Files. J'allais justement en parler. X-Files est une série vraiment ouf que moi j'ai suivie tout du long de 80. 13 à 2000, je sais plus combien, 2002, 2003, un truc comme ça. Il y a 7 ou 9 saisons, je me souviens plus. 8 9 9, parce qu'ils ont sorti la 11, la 10 et la 11. Ouais, ben voilà. Et la reprise... Et les deux films. Oui. Et la reprise était pas méga ouf, quoi. Hein. Ça manquait un petit peu de... Je sais pas. Alors, peut-être que parce que ça collait plus avec l'époque... peut-être que moi j'avais vieilli et que j'avais vu plein d'autres séries en plus, je saurais pas le dire en fait. Donc qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas aimé en fait? C'est vrai que X-Files c'est une excellente série où on a tous d'excellentes mémoires là-dessus parce que moi ça m'a porté au niveau de mon enfance. Je me souviens des premiers épisodes que je regardais un peu version pirate parce que je devais être au lit, parce que j'étais en CP et que je devais me lever tôt pour aller à l'école et qu'en fait non, j'arrivais à mater discrètement X-Files par une espèce de petit effet miroir. Donc voilà, et pour en arriver au second film qui a tué la franchise. Ouais, bon, il était pas naze, mais voilà quoi. C'était pas ouf non plus quoi. C'est celui où Mulder est fou et isolé là, ou je sais pas quoi là. Oui, c'est celui-là où il est fou. Non, il est pas fou et isolé. Et il est avec Scully au fin fond du trou du cul de l'Alaska et qu'ils vont voir un espèce de fou. Ah, ouais, bah, je m'en souviens plus, tu vois. Ouais, bah, tu vois. Je me souviens du premier film qui clôturait la saison 5, Mais je me souviens pas de celui-là, quoi. Alors, ça s'appelait X-Files Régénération, il était sorti en 2008. Voilà, et c'était un peu de la merde quand même. Ouais, faut dire. Ça faisait longtemps que la série était finie, quoi. Mais voilà. Ouais, enfin, en tout cas, pour le coup, là c'était un vrai revival. Et bon, c'était pas fameux, quoi, hein, malheureusement. Alors, c'est vrai qu'on a cet exemple catastrophique du revival. Par contre, j'ai un autre exemple qui peut être pas mal. Qui est la série Battlestar Galactica qui était sortie la première série était sortie il me semble dans les années 70 milieu des années 70 et que Ronald D. Moore a su remettre au goût du jour en 2004 et qui a duré 6 saisons et au niveau des effets spéciaux c'était là, au niveau du scénario c'était là. Et, alors non, c'est pas un revival, pardon, excusez-moi, c'était un reboot. Ouais, c'est un reboot, ouais. C'était un reboot et c'était un assez bon reboot, il faut le dire. Je sais pas si quelqu'un avait vu les Battlestar Galactica, peut-être toi, Nébu. Bah alors pas les anciens, hein, pas ceux des années 60, 10. 70. mais les 4 saisons là des années 2000, j'avais vraiment kiffé, ouais, c'était vraiment vraiment très cool. J'ai vu aucun des deux, moi, personnellement. Hein, Pareil. Voilà. Après, moi, je pensais en série qui revivole. Je crois qu'il y a eu Prison Break aussi récemment. Oh oui, ouais. Putain. Vraiment. Je l'avais oublié, celui-là. Oh mon Dieu. Je crois, pour pas dire de bêtises, Heroes Reborn aussi. Ah oui, oui. Oh mon Dieu. Ah, oh, mais en fait, on parle que de merde, là. C'est... Ah, non, non, non. Moi, si je voulais, j'ai un très bon revivol qui s'est fait en série. Vas-y. Ah, vas-y. Bah, Doctor Who. Mais c'est pas c'était... un... Ouais. Ah oui, bah, si, ouais. Ça a été très longtemps, quand même, avant de ouais, de reprendre. Celui de Stephen Moffat, ouais, en 2005. Ouais, okay. C'est ça. Ok, ouais, d'accord. Ouais, ouais. Très bon, très bon bien vu, bien vu. Et après... c'était un vrai revival, là, je trouve. Mais oui, quoi non, que, mais... est-ce que c'est vraiment un revival en soi? Oui, ça dépend des définitions qu'on utilise, mais c'est une série qui s'est arrêtée pendant plusieurs années, qui a repris plus tard... mais sans le même casting, c'était ouais, un tout nouveau casting. Mais ça suit l'histoire. Ouais, mais c'est le même personnage. La suite, on reprend pas au premier docteur, on reprend au 9e ou 8e, je crois, j'ai vraiment un doute. C'est le 9e, je crois. Oui, c'est le 9e. Si je me trompe là-dessus, j'étais au centre dessus, donc oui, c'est le 9e. Oui, donc je pense qu'on peut classifier en revival. Mais c'est vrai que, du coup, oui, c'est vrai que Doctor Who est un bon exemple. D'ailleurs, juste en point de vue série télé, comment vous définiriez un bon revival? C'est là où vous êtes scénariste et que vous devez refaire une série déjà connue. Qu'est-ce qui serait bien, en fait? Réutiliser les mêmes recettes qu'il y a 20 ans et se louper, ou essayer de moderniser la série? Je pense qu'il faut moderniser la série, mais tout en faisant en sorte qu'elle garde son esprit, l'esprit d'origine, quoi. C'est ça. Il faut que tu gardes l'aspect de l'univers, le truc, histoire de ne pas tout changer, mais moderniser quand même. Et de pas, parce que tu as les trucs qui passaient avant, qui maintenant ne passeraient plus. Donc, ouais, tu as ce côté modernisé, mais en gardant l'aspect un peu de la série, l'univers, le respect de tout ça. Et comment vous définiriez un bon reboot? Tu sais, la différence entre le bon reboot et le mauvais reboot, c'est que le mauvais reboot, quand tu le regardes, il a chier, et le bon reboot, il est bien, voilà. Non, mais ouais, alors, par exemple, tu vois, dans les années 80, on avait K2000, qu'ils ont rebooté dernièrement, et qui était pas si mauvais que ça. C'était pas bien, mais c'était pas mal, c'était pas mauvais non plus, tu vois. Mais est-ce que tu dis que c'était pas mauvais parce que t'avais la nostalgie des anciens, ou parce que tu te quand même bien? C'était pas mauvais parce qu'en fait, t'avais zéro du casting d'anciens, donc si tu veux, j'ai pas vraiment de nostalgie. Tu sais, quand tu n'as pas de continuité au niveau du casting, pour moi, il faut prendre ça comme une toute nouvelle série. Tu vois, Charmed, tu regardes Charmed qu'ils ont rebooté sur la CW, c'est à chier. Dans le même style, ils ont reboot et remis au goût du jour MacGyver. Moi, j'étais très fan de MacGyver quand j'étais petit. Hein. Et ils ont reboot en 2016, je crois. Bon, bah, ça se laisse regarder. Hein. C'est pas folichon, mais voilà quoi. Hein. C'est cool. Mais après, c'est pareil. MacGyver, si on est honnête, à l'époque, c'était pas ouf non plus, tu vois. C'est juste que faut pas oublier un truc, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas le choix. Tu regardais ce qu'il y avait à la télé à l'heure où tu l'as regardé, tu vois. Donc, t'avais intérêt à trouver bien, sinon, bah, tu te faisais chier parce que il y avait rien d'autre, quoi. Il y a ça aussi, hein. Tous les gens qui disent ouais, Madame est servie et toute cette connerie là, c'est trop bien. Non, c'était nul à chier, arrêtez. C'était nul à chier, mais il n'y avait pas d'autre chose à regarder, quoi. Bah, arrête, Magnum, moi je vois un épisode de Magnum, je regarde quand même, tu vois. Ouais, mais génial. C'était naze. C'était génial. Ouais, non. Et Magnum a été reboot d'ailleurs dans le même univers. Ouais. En fait, c'est une espèce de Arrowverse qu'ils ont fait avec. Avec Magnum, c'est que du reboot d'ailleurs, avec reboot de Magnum, le reboot de MacGyver et le reboot de IY Police d'État aussi. Ouais, alors ce qui est très drôle également, c'est que dans ces cas-là, tu peux inclure également NCIS qui fait partie du même univers que IY. Ouais, Zero. c'est vrai, effectivement, mais on les voit pas dans Magnum ni dans comment ça s'appelle, dans MacGyver. T'imagines sinon l'épisode crossover, il te ferait une semaine complète. Bah ouais, et puis oui, ouais, bah un peu comme les Arrowverse quoi, où t'avais un crossover. Enfin, quand ils font des crossovers, t'as un épisode par série quoi. Ah, et au fait, en parlant du Arrowverse, ça tombe bien que tu t'en parles. Stephen Amell a dit qu'il était prêt à faire un revival d'Arrow. Ah, tu m'étonnes, le pauvre, il a pas d'autre rôle depuis qu'il a arrêté. Il fait pas de cinéma, il fait pas de série. Il a besoin de thunes. Alors, son excuse bidon, c'est à cause des règles sanitaires. Il n'y a pas d'acteur qui peut tourner à Vancouver. Et que vu que lui, il est à Vancouver, il se dit, bon, ben, je suis là. Si vous avez besoin de moi, allez-y, il n'y a pas de problème. Je suis disponible. Oui, bah écoute, pourquoi pas. Hein, je pense qu'il reste encore une communauté de fans. Hein. Perso, moi, j'ai décroché il y a pas mal de saisons quand même. Hein. Pareil, moi j'avais commencé au début, je remettais 3-4 premières saisons et après quand il a commencé à avoir Flash et tout qui sortait en même temps, ça m'a totalement découragé de continuer de regarder la suite. Et alors moi, on divague un peu, mais c'est vrai que le Arrowverse, j'étais assez fan à une époque, je suivais tous les épisodes, je m'étais noté, regardé l'épisode 1 de Arrow, l'épisode 2 de Flash, l'épisode 3 de Legend of Tomorrow, l'épisode 1 de Supergirl, parce que comme ça suit, et au cas où s'il y a des clins d'œil, je me ferai pas spoil d'une série à l'autre. Et puis après, finalement, j'ai réduit ça juste aux épisodes crossover. Bah moi, ça a été un peu pareil. Hein. Mais bon, alors du coup, vu qu'on est parti encore à l'ouest, on va essayer de recentrer, mais le Arrowverse en soi, c'est un reboot aussi, quoi. Puisqu'on a des reboots de Supergirl, des reboots de Flash... mais on utilise des anciens castings en tant que guest nostalgie. C'est vraiment, ça mélange le revival et le reboot, quoi. Tout le Arrowverse, quoi. Et oui, parce que déjà, Arrow était un reboot parce que le personnage apparaissait 2 ans avant sur Smallville. C'est vrai. Et oui, c'est vrai qu'il y avait un espèce de triangle amoureux moisi entre lui, Lois Lane et Clark. Oui, exactement, c'était pourri. Smallville, putain, ça aussi j'en ai maté pas mal. Bon, bref, dans tous les cas, forcément, enfin, c'est comme les comics du coup pour les séries DC, c'est full revival reboot quoi. Ah, bah oui, bah, c'est comme les films après. Hein. Oui, en plus, voilà, exactement. Justement, tu fais très bien la transition, Nico. On va passer au film et il y a eu. À une époque, mais je crois que c'est toujours un peu la mode à Hollywood, c'est de faire des reboots de séries télé en film. Et là, on peut citer l'Agence Touriste et 21 Jump Street. Ouais, c'est vrai. Un qui était à peu près loupé et un autre qui était très bien, je trouve, personnellement. Vous, qui des exemples comme ça de reboot bah, alors, oui, bon, enfin, on n'est pas là pour donner nos avis, mais moi, perso, l'Agence Touriste, j'avais adoré. Les 21 et 22, j'avais surkiffé parce que c'était de la pure comédie, vraiment excellente. Quoi. J'avais pas vu les séries. Bon, enfin, à part c'est très, très vieux, surtout 21, ouais. C'était très vieux comme série. J'avais déjà vu un épisode 2 d'Agence Touriste à la télé, mais j'avais jamais regardé 21, mais j'avais vu les films, j'avais bien aimé. Et je crois qu'en plus, à la fin du premier film, t'as un caméo des acteurs. Ouais, t'as. Mais oui, les acteurs de la série, oui. L'acteur de la série, c'est ça, ouais. Avec, c'est quoi, Johnny Depp, un autre mec. C'est génial, quoi. Mais oui, ce passage était génial. Et pareil, dans l'Agence Touriste, il y a quasiment chaque acteur de la vieille série qui apparaissait dans le film. Et quand alors certains acteurs comme Dwight Schultz n'avaient pas pu rester sur le film et étaient apparus donc dans une scène coupée, mais voilà, ils avaient fait l'effort de faire ce genre de clin d'œil, et ça c'est quand même assez génial. Et alors moi on n'est pas là pour donner notre avis, mais je vais quand même dire pourquoi je n'ai pas aimé l'Agence Touriste. C'est que tout simplement dans la série il y a zéro mort. Ah oui. Alors que dans le film, c'est une hécatombe. C'est vrai que... Ouais. Bon, enfin, voilà. Mais après, bon, alors, niveau série qui passe au cinéma, en reboot, t'en as vraiment une chier. Hein, oui. T'as Drôle de Dame, t'as... T'as eu Miami Vice. Voilà. Aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Enfin, t'en as vraiment un million, quoi. Donc là, Camelot. On pourrait faire une liste gigantesque. Alors, Camelot, c'est un revival. D'accord. Non, c'est une suite, quoi. Oui, mais ils se sont arrêtés pendant 40 ans. Bah alors, attends. Du coup, j'ai une question. Alors, Jurassic World, c'est quoi? C'est un revival? Oui. Ou une suite? Oui. Typiquement, pour moi, c'est un revival parce que dans le troisième, tu vas voir le cast original qui va apparaître. Ok. Et alors, Ghostbusters, celui avec les filles? Même de merde. Base. Oui. En fait, c'est un quiz, savoir qu'est-ce qu'un revival. Ça, en fait. Ouais. En fait, les gars, un revival, c'est directement quand la suite a jamais été donnée ou autre, même si c'est une suite, et qu'au bout d'un moment, tu ressors la licence, c'est tout. Genre Jurassic World, tu regardes les trois premiers, tu t'attends à rien du tout sur une suite, et plus tard, on te sort un truc, c'est plus les mêmes acteurs et tout, mais c'est la suite du truc que tu avais de base, quoi. Ouais, ok. Mais justement, en parlant de ça, une licence qui a fait un revival, puis un reboot, Men in Black. Alors non, c'est pas un reboot le Man in Black, c'est la suite. C'est la suite, c'est plusieurs années plus tard. Allô? Oui. Oui. J'ai pas compris ta phrase Nébu. Je disais le Man in Black là, tu parles de celui avec Thompson et Hemsworth. Ouais. Bah c'est pas un reboot hein, c'est une suite. D'accord. Ok. Ça se passe dans le même univers, ça se passe plus tard et il y a même des gros clins d'œil en fait. À notamment Kay et Dee, il y a une espèce de fresque où ils sont tous les deux en sauveur de l'humanité. Là. Non, c'est vraiment la suite. C'est vraiment une suite. Alors, mais bon, des reboots de série, t'as eu des tonnes, quoi. C'est pas faux. Et on peut parler justement d'un reboot qui s'est passé en 2009. C'est Star Trek. Qui a été rebooté par J.J. Abrams. Alors ça, c'est Star Trek qui était vraiment tombé dans l'oubli. On n'attendait plus rien parce que bon, ça faisait depuis 2004 qu'il n'avait plus rien sorti. Star Trek était mort et enterré. Et J.J. Abrams arrive avec son espèce de reboot qui est un reboot suite, mais pas vraiment suite, mais bon, qui a repris le Spock d'origine joué par Leonard Nimoy et qui a sorti donc... ce Star Trek et qui est arrivé après, qui a débouché sur une trilogie qui a plus ou moins fonctionné et voilà, donc ça c'était un vrai reboot. Nebu, Nico, vous les avez vus les Star Trek de 2009? Je connaissais pas Star Trek avant, mais je les ai vus, j'avais surkiffé moi, ouais. Je m'en souviens très bien, le 1 et le 2, les deux déjà je les ai trouvés excellents. Le dernier, j'en ai moins de souvenirs, mais j'avais adoré. Et alors, pour moi, je connaissais Star Trek avant. Je connaissais surtout par les films, les anciens films, parce que les séries, c'était compliqué de les voir. C'était sur, CanalSat. Enfin, c'était vraiment des horaires très compliqués, sur des chaînes très compliquées à aller regarder. Mais je sais que les films, mes parents les adoraient, donc... Donc ouais, je les connaissais bien, notamment le dernier, c'était Nemesis du coup. Et du coup, quand il y a eu le reboot, moi ça m'a parlé direct parce qu'en fait, c'est de l'ASF avec des vaisseaux, avec des trucs dans l'espace. Donc moi j'adhère direct, hein. J.J. Abrams ou pas, je m'en foutais, je l'aurais regardé quand même. Et j'avais vraiment adoré. J'ai adoré les trois au final, hein, même le troisième est cool. Et maintenant, c'est devenu une de mes licences préférées, puisque ce qu'ils ont développé depuis, notamment Star Trek Discovery, est vraiment génial, quoi. Enfin, je trouve ça vraiment très, très, très, très, très bon, quoi. Mais par contre, vu que moi je suis pas un nostalgique et pas un rétro viewer, rétro gaming, rétro machin, je ne pourrais pas regarder la vieille les vieilles séries en fait. Hein, ça, c'est par contre, j'y arrive pas. Alors, on l'a loupé en série, mais on peut en parler. Il y a eu quand même eu un revival dans Star Trek, c'est Star Trek Picard, du coup, que tu as dû voir. Yes, yes. De Nemesis, et qui amène pas mal de choses avec. Pas mal de clins d'œil au niveau du casting qui est original, mais qui apparaît qu'en guest, et c'est très bien, et ça s'est très bien passé. Ouais. Bah ça, pour le coup, c'est un revival, clairement. Un vrai revival. Ouais. Bah, pareil, moi, j'ai vraiment kiffé. Alors, bon, je suis largué, hein, niveau personnage, à part Picard, puisque c'est forcément le mec emblématique, tu vois. Mais au-delà d'être largué, je trouve que ça ne met pas non plus les nouveaux sur le côté. Et c'est une bonne série, j'ai vraiment adoré, et il me tarde vraiment la saison 2. Nico, toi, puis Discovery et Picard, t'as pas regardé? Que dalle. Bon, je te pose pas la question, hein, Dorothy, on en a non, déjà parlé. Non, voilà, tu en as déjà parlé. donc voilà. Et donc après, on l'a évoqué au tout début côté comics, il y a quand même eu est-ce qu'on appelle ça un reboot, est-ce qu'on appelle ça un revival, est-ce qu'on appelle ça une mise au clair, mais il y a Star Wars qui a été rebooté il y a quelques temps quand même. Bah ouais, ça, alors reboot non, maintenant si tu dis que Star Trek est un revival au bout de 5 ans, je pense que bah oui, Star Wars est un revival parce que le dernier épisode c'était en 2005. Et on a eu la suite en 2014, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc oui, on peut dire que c'est un revival, ouais. Au-delà de ça, en 2012, il y a eu le reboot, quoi. Le reboot de. Attends. Avant qu'on rentre dans le détail et qu'on perd les autres, j'aimerais leur poser la question. Pour vous, Star Wars, Nico et Dorothy, est-ce que c'était un revival ou un reboot? De quoi, la trilogie, la nouvelle trilogie qui est sortie là sur. Ouais, on va dire nouvelle trilogie, mais ouais. C'est plus que ça, parce que si tu veux, ils ont rebooté tout l'univers. Mais alors, en tant que film, c'est juste un revival. Mais par contre, sur ce qu'ils ont fait, même si j'étais pas fan, tu me l'as raconté, j'ai vu, sur l'univers légende, c'est carrément un reboot, parce que du coup, ce qui était l'univers étendu avant est juste devenu l'univers légende, et ils ont recréé eux-mêmes tout l'univers qui entoure tout ça. Donc là-dessus, c'est un reboot. Sur le côté univers étendu, mais par rapport au film, t'es juste sur du revival, quoi. Ouais, c'est pareil, sur les films, t'es juste sur du revival, quoi. Si t'as vu les films, tu peux comprendre la suite, quoi. T'as besoin d'avoir des prérequis, pas avoir l'idée comics, ça. Surtout qu'apparemment, par rapport aux comics, j'en sais rien, on m'a dit que c'était un reboot, c'est ça. Ils avaient tout effacé ce qui était. Ouais, en fait, tout ce qui est sorti avant le rachat de Disney. Est considéré comme univers Legends, donc ne rentre pas dans l'histoire officielle qu'on dit canon du coup de Star Wars en fait. Les seuls trucs qui ont survécu à la tempête, hein, c'est à l'éradication, je dirais même, c'est Clone Wars et c'est tout en fait. Il y a que Clone Wars qui est. Parce que non, les jeux vidéo, les bouquins, les comics, tout ça, c'est l'histoire. Ils ont dit fuck, quoi. Ok. Oui, du coup, les films, ça revival, mais ça reboot du coup le côté comics et univers étendu qu'ils avaient fait à côté, quoi. Voilà, exactement. Ok. Alors, vite fait, pour faire une petite aparté là-dessus, mais promis, Nico, je regarde l'heure, ça va pas durer plus de 2 minutes. Les romans depuis le reboot sont à chier, les comics sont extraordinairement bons, les séries d'animation sont bonnes. Alors je pense qu'il faudra qu'on fasse une émission exprès, parce que encore je suis pas tout à fait d'accord troisième. Avec toi sur les bouquins en fait. Le bouquin d'Ahsoka notamment, le bouquin d'Ahsoka est vraiment vraiment cool. Ouais, voilà, tout ça parce que tu as lu le bouquin d'Ahsoka, et voilà, ça sauve les 15 bouquins que je dois avoir du nouvel univers. Non, les comics par contre sont vraiment excellents. Donc voilà, après les jeux vidéo sont bien quand même, faut dire ce qu'il y a. Quand on prend juste l'histoire, Hein, je ne parle pas de gameplay, de durée de jeu et compagnie. Parce que là, c'est largement discutable. Mais voilà, globalement, c'est un bon reboot. Et voilà, ça a duré moins de 2 minutes, Nico. C'est bien. Voilà, merci. Est-ce que tu veux faire 2 minutes sur ton avis sur le reboot général Nebu? 2 minutes, hein. Si reboot général, je vais dire que je suis content parce que Star Wars pour être à jour sur les on va dire l'univers étendu, ça coûtait des milliers d'euros, hein. Et là en fait le fait qu'ils rebootent et qu'ils sortent au fur et à mesure, ça permet d'être clair sur les sorties, sur les collections, sur les histoires et de suivre ça au fur et à mesure. Voilà. Donc moi j'étais plutôt content et plutôt client aussi, donc voilà. Alors côté film, je crois qu'on a à peu près tout dit. Alors, bref, on peut peut-être dire que est-ce que Prometheus est aussi un reboot d'Alien? Non, c'est un revival plus que reboot, parce que ça te donne des origines que t'avais pas avant, mais c'est tout quoi. Donc, tu es plus sur le revival de la licence qu'un véritable reboot. Bah, au-delà de ça, c'est surtout un gros « allez vous faire enculer, c'est ma licence à moi et je la nique si je veux. Hein, » Oui. C'est surtout ça, en fait. Non, côté cinéma, si tu veux vraiment parler de reboot, tu as par exemple la licence, le truc de Kefu Universal avec La Momie, ouais. Aujourd'hui, ils essaient de créer tout un univers monstrueux. Donc, par exemple, les films de La Momie d'avant ont été rebootés pour faire ce qui est aujourd'hui, quoi. Ouais, je l'avais oublié, cette horreur. Bah alors, c'était bien La Momie là avec Tom Cruise, c'était cool. C'est dommage qu'ils aient pas continué, hein, je pense que ça aurait pu donner un univers sympa. C'est un peu bidé du coup avec le film La Momie, c'est pour ça qu'ils ont arrêté, ouais. Je crois. Mais sinon, ouais, ils voulaient. Mais ils avaient prévu L'Homme Invisible avec Johnny Depp, ils avaient prévu Frankenstein avec Russell Crowe. Ouais, c'est ça. Mr. Hyde et Dr. Jekyll avec Russell Crowe. Et je crois que créer tout leur univers. Ouais. Mais alors du coup, si on va par là, les gars, on peut parler de Godzilla aussi, quoi. J'allais le dire, attendez que tu essaies de parler. Moi, Godzilla, je suis un méga, giga, ultra, méga fan. Ce n'est que reboot et revival. Si on part de la licence japonaise, ce n'est qu'un enchaînement de revival et de reboot, en fait. C'est pire que le DCU, quoi. C'est c'est vraiment ça. Et pour le coup, on peut même pas dire que les versions américaines, la version 2014 et donc le Monsterverse là qu'ils veulent faire avec King Kong, soit vraiment un reboot, puisqu'au final ça continue quand même au Japon dans leur timeline à eux, quoi. Donc du coup ça cohabite à la fois au Japon, à la fois aux États-Unis. Donc ouais, je sais pas trop comment on peut considérer ça, mais Godzilla typiquement c'est japonais, quoi. Donc c'est le bordel. Oui. Alors, une question pour rester sur les films, est-ce que du coup ce qui va être adapté en live action, on considère ça comme des reboots ou des revivals ou dans une autre catégorie? C'est un nouveau film. Ouais, mais genre par exemple, tu prends, sur le manga, genre un Death Note. Tu vois, par exemple, le film Death Note sur Netflix, c'est quoi? Est-ce qu'on peut le classifier? Ah, c'est une adaptation. Moi je dis c'est une adaptation. Ouais, c'est d'abord savoir si tu as considéré ça. Oui, c'est adapté. Alors par contre, il y a un reboot. Excuse-moi, Dorothy, il y a un reboot qu'on pourrait parler qui a bien fonctionné et qui sont pareil des studios complètement différents. C'est City Hunter. Ah, oui. Enfin, c'est une adaptation pour le coup aussi. Non, parce que on a eu la version avec Jackie Chan. Ouais. Et la dernière version qui est française, qui bien. Et qui a bien fonctionné au Japon. Bon, là, je pense que c'est... Ah, c'est un truc particulier, quand même. Ouais, c'est un peu trop litigieux, là. Non, si tu veux parler genre reboot, t'as Dune, le film, qui est normalement, je crois, le reboot et qui est plus par rapport au livre que par rapport au Dune de Lynch. Ouais, aussi. J'ai oublié Dune. Enfin, si on ne le repousse pas... Oui. Après, pareil, dans les revivals, t'avais donc le Blade Runner et le Blade Runner 2047 qui est sorti des années après, sans que personne ne l'attende, quoi. Carrément. Même la suite de Shining, Dr. Sleep, je crois, non? Ouais, Dr. Sleep. Après, bon, parce que c'était dans les romans et tout ça, mais oui, aussi, t'as raison. Oui, ils ont dû réadapter Dr. Sleep par rapport au film de Kubrick, qui suivait pas totalement, en plus, ce que faisait justement Stephen King, donc c'était quand même un bon truc. Doctor Sleep est vraiment très particulier comme, comme suite et revival et compagnie. Du coup, j'avais pensé aussi à Split, qui la série, enfin, oui. Incassable, Split et Glass. Ouais. Qui du coup. Oui, ouais, il nous a créé un univers qu'on n'attendait pas du tout avec la sortie de Split, et ouais, qui se collait à Incassable. Et donc c'est un revival, ouais. Et en reboot qu'on a eu, qui est quand même assez sympa, c'est Judge Dredd également. Le premier film qui était sorti avec Stallone. Sylvester Stallone, ouais. Et le dernier qui est sorti avec Cary Urban, où c'est complètement un reboot et c'était pas mal du tout. Bah, si c'est pas, très si sanglant. Tu peux mettre Total Recall dans le tas aussi, quoi. Ah oui, Total Recall, c'est vrai. Et voilà, c'est là où on se rend compte que Hollywood est fait de revival et de reboot. Ouais, mais quand tu regardes, en ce moment, t'as beaucoup de trucs comme ça. Soit c'est des adaptations de vieux trucs où on te refait justement des revivals. De toute façon, Blade Runner 2047, c'était ça. Hein. T'es sur un revival, on te sort plein de trucs comme ça actuellement. Hein. Parce qu'on se dit, ah, ils ont vu, ils ont aimé le premier, ils vont essayer de voir la suite ou de voir le reboot. C'est ça. Hein. Mm. T'as plus d'idées, donc du coup, tu reprends les trucs. Des fois, ça marche. Des fois, ouais. On parle de Jumanji. Jumanji, pour moi, alors Jumanji, j'ai connu très tard. C'est ma femme qui. Alors moi, j'avais vu le reboot et c'est ma femme qui m'a montré l'original. Shame. Ouais, je sais, mais je m'en moque. J'assume. Alors, ouais, je le dis comme ça en plus, mais j'assume complètement. J'espère que tu as aimé l'original plus que le reboot, quand même. Après, tu l'as vu après, quand même. Alors, honnêtement. L'original est très bon, il est excellent, mais le reboot m'a pas dérangé. Moi, le reboot, perso, j'ai adoré. Enfin, c'est des barres de rire. Tu rigoles vraiment... bien, le casting, il est là, il est super intéressant, ouais, le casting. Ouais. Pour moi, je me voyais avec mes potes en train de faire du jeu de rôle, quoi, tu vois. Enfin, c'était vraiment ça. Je me suis vraiment éclaté à voir ce film. C'est vraiment des barres de rire, quoi. J'ai vraiment adoré. Alors, pour moi, pour le coup, il est différent du premier, parce que le premier était quand même plutôt, on va dire, angoissant, mine de rien. Et au final, là, celui-là, c'est une vraie comédie d'aventure, what the fuck, à certains moments, et assumée, avec des gags gigantesques et tout ça. Et tous les persos sont excellents. Enfin, j'ai adoré tous les persos de ce Jumanji reboot, quoi. Et pareil, comment les personnages s'inversent au niveau de la corpulence et compagnie, ouais. C'est très bon, c'est excellent. Franchement, moi, je le conseille vraiment parce que c'est un bon film, un bon film pour délirer, quoi. Enfin, c'est une bonne comédie d'aventure, quoi, à l'ancienne. Et alors, en parlant de vieux reboots comme ça, il y a eu un reboot qu'on n'a pas cité d'une vieille série télé qui est arrivée. En film, toujours avec Dwayne Johnson, c'est Alerte à Malibu. Ah ouais, bon, ça c'est pareil, c'est le même style. Franchement, c'était génial, même style. Et je suis assez d'accord avec toi. Qu'est-ce que j'ai rigolé devant Alerte Malibu? Qu'est-ce que tu disais, Baptiste? Je suis pas client. Ah ouais, non, mais moi non plus. Là, tu m'as sorti ça, je te dis, mais d'où il sort ce truc, lui? Alors, je crois que c'était à l'époque où j'avais ma carte et que je pouvais voir n'importe quel film débile pour rentabiliser ma carte. Et je crois que ça, tu connais, Nico. Oui, mais bon, j'y vais pas à ce point, quand même. Mais Alerte à Malibu, voilà, c'est gros film gag, très drôle. En fait, t'y vas pas pour voir du Godard, quoi, sans déconner. Une fois que tu sais ça, bah, tu t'amuses, quoi. Mais bon, une nouvelle fois, on est parti en dehors du sujet. Alors, toujours dans le sujet, je crois que ça va être le dernier exemple au niveau film. Est-ce qu'on considère, je crois que c'est Taxi 5, comme un revival ou un reboot? Ouais, non, mais écoutez, il faut bien terminer par un film français bien pourri. Et ben voilà, je l'ai sorti, Taxi 5. Bah alors, je te mets dans la même liste Les Visiteurs 3, alors du coup. Ah, je l'ai dit aussi. Ah, voilà. Alors, lequel, Visiteur 3? Visiteur 3? Non, t'oublies celui aux États-Unis, hein. Le vrai Visiteur 3 de la Révolution. Là. Ouais. Et donc, du coup, Revival, Bien intéressant. Comment vous les sentez, ces deux exemples de revival français bien pourris? Attends, je t'en mets un troisième, les Bronzés 3 aussi. Donc, on fait du mal là, un peu. Ouais, voilà. Donc, en fait, rien qu'en le disant, tu vois ce qu'on en pense, quoi. Bon, bah, écoute, ok, j'ai compris. On va passer sur une autre catégorie, les jeux vidéo. Et là, honnêtement, j'ai essayé de chercher, à part les Resident Evil, je n'ai pas trouvé grand-chose. Je pense que celui-là qui va être capable de nous sortir énormément de choses, c'est Toi Nebu. Alors oui, mais du coup, une nouvelle fois, il y a du revival, mais c'est surtout des suites et des suites et des suites la plupart du temps. En fait, là, on parle véritablement de franchise, en fait. Ouais. Alors, ouais, tu peux parler par exemple de la franchise Zelda, mais Zelda c'est un ensemble de reboots, si tu veux, parce qu'à chaque fois tu as un nouveau jeu en fait, une nouvelle histoire, mais tu gardes, on va dire, les personnages principaux, mais leur histoire n'est pas la même, le monde dans lequel ils sont n'est pas la même. Voilà, Mario c'est pareil, à chaque fois on va parler plutôt, enfin c'est des reboots, mais c'est une franchise aussi, donc il y a à la fois une continuité, à la fois un truc pas du tout assumé, enfin un reboot complètement assumé justement de ce qui s'est passé avant, on s'en fout quoi. Après je suis pas fort, enfin ça dépend si on parle de licence ou pas, mais après on va parler par exemple du dernier God of War. C'est un revival, parce que ça reprend la suite des anciens jeux, mais après c'est plus du tout le même, enfin c'est toujours le même univers, mais c'est plus du tout le même gameplay, le personnage a totalement changé, il y a eu une grosse pause entre les jeux, donc qu'est-ce qu'on parle du coup de suite du jeu, ou plus un revival dans... Ouais, alors moi je te donnerai l'autre exemple, puisque je suis en train d'y jouer aussi en même temps là, c'est Assassin's Creed, tu vois, qui a eu le même truc, c'est-à-dire qu'ils ont sorti une chier de jeu qui était à peu près tous pareils, en termes de gameplay j'entends. Ils ont fait une grosse pause pour sortir Origin, était alors pour le coup un reboot du gameplay, mais qui est la suite de l'histoire. C'est pour ça que c'est compliqué dans le jeu vidéo, parce que faut savoir aussi que ça prend du temps à développer. Jeux, ça sort des suites. Autant tu peux sortir les mêmes merdes tous les ans comme les CoD et les FIFA, autant des gros jeux genre à la Assassin's Creed et tout ça, c'est des trucs que tu vas sortir tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 4 ans. Après t'as des trucs avec des gros revival, comme par exemple les trucs qu'on a eu, c'est donc t'as Lara Croft, mais aussi par exemple The Witcher. Le The Witcher 3 il est sorti des années bien après, et c'est un gameplay totalement différent des anciens. Ouais, carrément, mais du coup, je peux pas vraiment parler de revival, parce que en fait, c'est des suites, tout simplement. Ouais, mais après, quand t'as un truc qui a arrêté depuis des années, faut peut-être mettre certain nombre d'années. Justement, Nico, j'ai peut-être un exemple parfait là-dessus. Un bon revival qui est sorti et qui va parler à nous, rôlistes, je vais vous parler de... Baldur's Gate. C'est un revival. Ouais, pour le coup, ouais. Parce que, effectivement. Ouais. Je suis plus d'accord dans le sens avec Baldur's Gate qu'avec The Witcher, parce que The Witcher, il n'y a eu que 4 ans entre les deux jeux. Ouais, voilà. Mais si tu veux, alors dans la même série, tu peux mettre Crash Bandicoot, tu vois. On n'en a pas entendu parler pendant plus d'une dizaine d'années et c'est revenu au goût du jour. Ah ouais, mais c'est, t'as eu Spyro, là, ils ont tout ressorti, les Medieval. Voilà, exactement. Ils te font des revivals de toutes les... c'est pas des revivals, parce que c'est des... Si, puisqu'il y a un nouveau Crash Bandicoot qui est sorti, le 4, là. Oui, le nouveau Crash Bandicoot, oui, mais il parlait de Medieval et de Spyro, c'est les mêmes qu'avant, mais en HD. Après, Spyro, c'est un peu particulier, parce qu'il y a eu les Skylanders aussi, qui a beaucoup marché, et qui est dans l'univers de Spyro aussi, quoi. Donc, tu vois, c'est ça, c'est compliqué de parler de reboot, ça, ok, tu peux en parler, il y a beaucoup de reboot dans les jeux vidéo, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Mais des revival pas tant que ça, parce que même Metroid, Metroid, il y a une continuité, tu vois, mais entre Metroid Prime et les Metroid en 2D, il y a complètement une complète différence, mais l'histoire elle se tient, c'est à la suite, il y a une chronologie, tu vois. Donc je sais pas, dans le monde du jeu vidéo, parler de revival c'est rare et c'est compliqué, je pense. parce qu'on s'inscrit tout de suite dans des suites, en fait. Autant, ben, je sais pas, quand tu fais un revival Star Wars, c'est compliqué de faire, ben, je sais pas, moi, l'épisode 7, 2 ans après l'épisode 6, quand tu le sors 35 ans plus tard, parce que les acteurs, ben, ils ont complètement vieilli. Mais t'as pas ce problème-là dans le jeu vidéo. Si tu veux sortir un Crash Bandicoot 3, 4, du coup, 15 ans après le 3, voire plus d'ailleurs, et ben, ben, Crash, il a pas changé, quoi, tu vois. Il est juste plus lisse parce qu'il est en 4K maintenant. Ouais, mais attends, après, je suis pas forcément d'accord avec toi. Tu prends Metal Gear Solid, le alors 5. Attention de ce que tu vas dire de Metal Gear Solid, parce que s'il y a une licence que je connais par cœur et que je surkiffe, c'est bien celle-là. Alors, je prends des pincettes, Metal Gear Solid, tu prends le Phantom Pain, il me semble que ça ressemble quand même à un revival. Et non, c'est Phantom Pain, bah, c'est Metal Gear 5. Oui. Et donc du coup, bah, c'est la suite. Enfin, ça s'inscrit dans la chronologie et la continuité de tous les autres Metal Gear, en fait. Et à tel point que mais le jeu, il te fait un plot twist à la Usual Suspect. Enfin, non, il est complètement inscrit dans la licence et c'est même la cerise sur le gâteau avant le départ de Kojima. Kojima. Voilà, c'est pour ça, hein, je savais que j'allais arriver sur un terrain miné, mais j'ai tenté le coup quand même. Ah bah oui, surtout sur Metal Gear, quoi. Mais voilà, donc ouais, je pense qu'on pourra en parler un million d'années sur les jeux vidéo. Mais ouais, du reboot, oui, il y en a. Revival, je suis pas vraiment sûr, parce que tu fais des suites. Enfin, tu vois, typiquement, entre Last of Us 1 et 2, il y a 5 ans, tu pourrais dire, ah bah attends, c'est un revival. Bah non, c'est juste la suite, quoi. Ouais, c'est pas fou. Du coup, petite question qui n'a rien à voir. Je repars sur un... Ouais, non, c'est une adaptation. Non, j'ai rien dit. Non, mais vas-y, dis. Non, mais dis, fais partager quand même ton interrogation au monde entier. Au monde entier, on va essayer. Bref, par rapport à Fight Club. Ok, donc il faut savoir que de base, c'est un roman qui a été adapté en film. Et après, en 2015, il y a eu Fight Club 2 en comics. Du coup... Est-ce qu'on peut parler de revival ou pas ? Le cross-platform, je sais pas. Ça, c'est particulier. C'est voilà, très particulier parce que c'est quelque chose qu'on a galéré déjà avec Star Wars, en disant que l'épisode 7 était un revival, mais que l'univers avait rebooté. Donc, ouais, c'est... Fight Club 2, le comics, reprend la suite du film. Oui, mais qui n'est pas forcément la suite du roman. Oui. Non, mais voilà, non, c'est pour ça, parce que j'ai pensé à ça avant que vous parliez, ça m'a fait penser à Fight Club. Je me suis pensé qu'il y avait un comics aussi, et du coup, voilà. C'est juste la question que je me posais pour. Comme ça. Ok. Voilà. Mais, merci pour ta bonne interrogation. De rien. Au plaisir. Alors, bon, je pense qu'on a fait le tour de tout. Après, je ne sais pas depuis combien de temps on tourne, mais après, ça fait depuis une heure qu'on tourne. Et du coup, après cette heure-ci, est-ce que vous avez votre opinion qui a changé sur tout ce qui est reboot, revival ? Est-ce que ça serait les reboots en comics, c'est de la merde, mais les reboots en film, c'est génial ? Est-ce que votre pensée a évolué ou pas du tout ? Ouais, voilà. Hein. Non, moi, je pense que ça n'a pas trop changé de mon côté. Je pense que une série que j'aimais quand j'étais jeune, s'ils font un reboot, je vais tester, quoi. Et après, c'est la qualité que va proposer l'œuvre qui va jouer sur mon opinion, quoi. S'ils font un truc mieux qu'avant, bah, je pense j'essaie d'être objectif pour dire, ah ouais, bah, c'est vraiment cool ce qu'ils ont fait avec ce qu'ils avaient avant. Ou dire, bah non, c'est pourri, j'ai aimé avant parce que ça sortait à telle époque avec ça à regarder. Et maintenant, je préfère la version d'origine. Ok. Vous autres ? Ah ben moi, clairement, j'ai pas changé d'avis. Hein. Après, le truc, c'est que moi, je suis pas vraiment, caractéristique, puisque je suis bon public, quoi. Hein. Je vais regarder des alertes à Malibu et m'amuser, quoi, tu vois. Donc, attends, ça veut rien dire. Il y a quelqu'un qui est vraiment très bon public, mais tellement public qu'il est trop con, c'est Adrien. Il n'est pas là, le pauvre, je le tape derrière son... Ah ouais, son j'avoue, dos. C'était gratuit, ça. Mais franchement, bon public que lui, tu meurs, quoi. Franchement, et n'importe quel dub, il trouve ça bien. Ouais, on verra toujours un peu positif à redire. Je crois que Nico peut être de mon avis là-dessus. Oh oui, bon, c'est les goûts, les couleurs, quoi. Ah, merci Nico. après ben, moi, quand je regarde un truc, même si ça me plaît pas, je vais regarder jusqu'au bout parce que je me dis, j'ai commencé, je vais le terminer, tu vois. Soit une film ou série, enfin, pas série parce qu'il y a quand même beaucoup d'épisodes. Mais quand tu penses que quand tu as regardé un truc en entier jusqu'au bout, c'est que tu as quand même apprécié un minimum et que tu essaies de trouver des points positifs pour défendre ce que tu as regardé, quoi. D'accord. Ce qui n'est pas bête non plus, c'est pas faux. Alors, vite fait, avant de rendre l'antenne, j'ai fait un petit listing de revival reboot qui est prévu sur ces prochaines années ou ce que des acteurs ont proposé. Donc, bon, il y a Stephen Amell avec Arrow, donc ça, on en a déjà parlé. Il y a un des acteurs de Teen Wolf qui a proposé un revival. Super. Ah, moi, je suis chaud. Ok. Il va y avoir un énième reboot sur Peacock, qui est le SVOD de la NBC de Battlestar Galactica. Ah oui, j'ai vu ça, ouais. Il va y avoir un revival de la série Psych, toujours sur Peacock. Ouais. Il va y avoir un revival, peut-être, d'après les rumeurs, d'après CBS, sur Star Trek Deep Space Nine, qui est la série entre 88 ou 92 jusqu'en 97-99. Mais je pense que je me trompe au niveau des dates. Donc voilà. Et je crois que c'est tout. On reboot Revival sur qui ont été annoncés ces derniers temps. Mais voilà. Je pense que la moralité, c'est qu'on n'a pas fini en chier avec ces reboots et Revival. Ben, ça fait des sous, voilà. Hein, c'est la nostalgie, ça vend bien. Ah si, et peut-être une saison 13 X-Files. Voilà. Voilà. Voilà. Et histoire de bien te miner le moral, David Duchovny a dit « C'est pas parce que Gillian Anderson ne veut plus en faire que moi j'ai dit non. Après tout, Chris Carter est mon pote. Donc s'il a besoin d'aide, il m'appelle, je débarque, ouais. J'en fais un. » Bah écoute, s'ils peuvent faire un revival de Stargate, moi ça m'irait bien plutôt. Ah, c'est clair, ouais. J'avais oublié, mais il y a énormément de rumeurs qui courent et c'est entretenu par les anciens producteurs de Stargate SG-1, oui. Atlantis et Universe. Et il serait peut-être arrivé un deal avec MGM, ouais. Pour faire une espèce de revival à Stargate SG-1. Alors, bien. Revival, mais il y a aussi des possibles reboots aussi au cinéma qui sont envisagés. Oui, ça c'était avec le réalisateur d'origine. Ouais, Ridley Scott. Non, Emmerich. C'était Emmerich. Pardon. T'as failli te faire fracasser la gueule par Rambo, toi. et du coup, oui, il y a Stargate qui arrive. Alors ça, c'est au conditionnel parce que ça dépendra de la situation financière de la MGM qui serait apparemment à vendre. Oui. Voilà, donc ça dépendra des résultats, notamment de James Bond quand il sortira, s'il sort un jour. S'il sort un jour. Et du coup, James Bond, revival ou reboot? Alors, honnêtement, James Bond, tu prends. C'est un bon reboot. Alors, déjà, tu peux le rebooter à chaque personnage, mais depuis Daniel Craig, tu peux dire que c'est un vrai reboot et que ça te part du début jusqu'à la fin de la vie de James Bond, quoi, de l'espion. Yes, mais bon, ça, on aurait dû le dire plus tôt, parce que là, on était en train de faire la conclusion. Ouais, désolé, j'ai entendu, j'étais obligé de demander. Moi, j'ai des spasmes comme ça. Bon, ben, sur ce, pour nous, c'est, pour moi, en tout cas, c'est bon. Vous avez peut-être un mot de la fin à dire ou pas? Biroute. Ok. Merveilleux mot de la fin. Nico, un mot pour finir, pour conclure? Camoulox. D'accord. Et est-ce que tu as quelque chose de plus intelligent à dire, Baptiste? Banana split. Ah, bien. J'ai faim. Non, là, c'est deux mots. Ah, merde. Mais non, on met tout, il y a un tiré au milieu. Baptiste, t'es pas net. Mais si, je suis très net. Bon, on va pas commencer là, l'émission par là. C'est la conclusion, ça part là en couille, là, voilà, c'est... comme toute cette émission. Et ben, moi, sur ce, c'est bon, c'est terminé. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission qui est toujours autant chaotique que chez nous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat comics. Bye bye. la cárcel de...